Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Loué soit le Seigneur, puissant prophète du Seigneur. Amen. Now, Pastor Joanne, the Lord has spoken with me. Amen, Pasteur Joanne. Le Seigneur a parlé avec moi. Lord Jehovah, Jehovah Eloheka. Le Seigneur Jéhovah, Jéhovah Eloheka. Jehovah El Shammah. Jehovah El Shammah. The Lord, the Blessed One of Israel, Jehovah Mekadishken. Le Seigneur, le béni d'Israël, Jehovah Mekadishken. The Lord, Jehovah Rophé. Le Seigneur, Jehovah Rophé. Jehovah Nissi. Jehovah Eloheinu. Jehovah Nissi. Jehovah Eloheinu. Jehovah Eloheka. The mighty cornerstone of Zion. Jehovah Eloheka. La puissante pierre de l'angle de Sion. El Gibor. Jehovah Yireh. Jehovah Sabaoth. Jehovah El Gibor. Jehovah Yireh. Jehovah Sabaoth. Jehovah Hoseinu. Jehovah Elohim. Elion. El Olam. Jehovah Hoseinu. Jehovah Elohim. Elion. El Olam. Sikenu. El Shaddai. Sikenu. El Shaddai. He has spoken to me about the big meeting that is coming up in Nakuru. Il s'est entretenu avec moi du grand rassemblement qui arrive à Nakuru. The super glorious grand mega Nakuru revival. Le super glorieux grand méga réveil de Nakuru. And he has continued to now speak with me about the greater detail. Et il a continué à parler avec moi maintenant sur le plus grand détail of the visitation that he has prepared, de la visitation qu'il a préparée, Church of Christ world over from Nakuru. Église de Christ autour du monde, de Nakuru. And the Lord says that this is going to be a historic visitation. Et le Seigneur dit que ça va être une visitation historique. That this visitation is going to be like none other, never seen before. Que cette visitation va être comme aucune autre, jamais vue auparavant. And in that conversation, I see this crippled boy. It's a boy. Et dans cette conversation, je vois ce garçon infirme. C'est un garçon. I don't know whether that the shorts or that it's kind of grayish. Je ne sais pas si ces shorts sont de type grisâtre. That is going to stand up in front of the cameras. Il va se lever devant les caméras. There is a crippled boy that is going to stand up in front of the cameras. Il y a un garçon infirme qui va se tenir debout devant les caméras. Crippled, when the cameras are on, then he's going to stand up. Quand les caméras seront sur lui, il va se lever. And then many cripples are going to stand up from many places within the entire meeting. Et ensuite, beaucoup d'infirmes vont se lever de beaucoup d'endroits dans tout le rassemblement. It is going to be historic. At one point, it will be chaotic in the meeting. Ça va être historique. À un point, ce sera chaotique dans le rassemblement. When many numbers of cripples will get up and start to walk in all directions and walk away. Lorsqu'un grand nombre d'infirmes se lèveront, marcheront dans toutes les directions et s'en iront. So this is going to be a tremendous visitation of the latter glory of the Lord. Donc, ça va être une visitation extraordinaire de la dernière gloire du Seigneur. And I also see myself in the meeting. The Lord showed me myself and my face was wet. Et je me suis aussi vu dans le rassemblement. Le Seigneur m'a montré moi-même. Et mon visage était humide. My face was very wet. Mon visage était très humide. That the Lord opened heaven and my face was wet. Le Seigneur a ouvert les cieux et mon visage était humide. The glory of the Lord is going to pour in the field. La gloire du Seigneur va se déverser dans le terrain. So right now, right at this hour. Alors, juste maintenant, juste en cette heure. This is what the Lord is saying, that the church is sitting on the verge of a historic visitation right now as we speak. Voilà ce que le Seigneur dit, que l'Église est assise au bord d'une visitation historique juste maintenant, comme je parle. Right now, I know that many pastors are landing at the Jomo Kenyatta International Airport. Juste maintenant, je sais que beaucoup de pasteurs atterrissent à l'aéroport international Jomo Kenyatta. I know that many began to arrive yesterday from Italy. Je sais que beaucoup ont commencé à arriver hier d'Italie. They are arriving from all over the world. There's continuous landing. There's a lot of pastors. Ils arrivent de tout autour du monde. C'est un débarquement continuel. Il y a beaucoup de pasteurs touching down at Jomo Kenyatta International Airport. Qui atterrissent à l'aéroport international Jomo Kenyatta. And headed to Nakuru. Et ils se dirigent vers Nakuru. And yet the Lord is saying that even as they come. Et encore, le Seigneur dit que alors qu'ils viennent. Right now, the church is sitting on the verge of the most historic visitation on the face of the earth. Juste maintenant, l'Église est assise au bord de la visitation la plus historique sur la face de la terre. There is going to be a tremendous visitation of unseen proportion. Il va y avoir une visitation extraordinaire d'une proportion qui n'a pas été vue. I see so many cripples that will get up and walk. Je vois tellement d'infirmes qui se lèveront et marcheront. So many blind. So many wheelchairs, so many white canes for the blind, so many cripples. Tellement d'aveugles, tellement de chaises roulantes, tellement de cannes blanches pour les aveugles, tellement d'infirmes. So many deaf, so many mute, so many lame legs that will be pulled and straightened, add columns, create a column of a bone, column of a leg. Tellement d'aveugles, tellement de muets, tellement de boiteux dont les jambes seront tirées et étirées et additionnées d'un support, créer un support des os, un support de la jambe. Many broken hips, spinal cord injuries, broken backs, broken skulls, broken necks. Beaucoup de hanches brisées, de lésions de la moelle épinière, de crânes fracturés, de coups brisés. Broken knees, broken bones, ribs, tumors that will dissolve in the brain, in the body. Des genoux fracturés, des os brisés, des côtes, des tumeurs qui se dissoudront dans le cerveau, dans le corps. Restoration of the heart, those hearts that were enlarged, the livers, the kidneys. La restauration du cœur, ces cœurs qui sont trop gros, les foies, les reins. That one, the dialysis, that could not function, the collapsing lungs. Qui avaient besoin de dialyse, ils ne peuvent pas fonctionner. Les poumons qui s'affaissent. The blood conditions, leukemia, diabetes, hypertension. Les conditions de sang, la leucémie, le diabète, l'hypertension. HIV AIDS, down the line. Le sida sur toute la ligne. The Lord is going to dry wounds, he's going to kill all cancer from the blood, you know, death in the blood is going to be extinguished. Le Seigneur va sécher des blessures, le Seigneur va guérir tout cancer dans le sang, la mort dans le sang va être anéantie. The Lord is going to heal all manner of diseases under the sun, under the heaven. Le Seigneur va guérir toutes sortes de maladies sous le soleil, sous les cieux. And so, he has spoken with me about this very, very big visitation that is coming to visit this land. Et donc, il a parlé avec moi sur cette très, très grande visitation qui vient pour visiter ce pays. And to visit the church, and since all the nations have been summoned. Et pour visiter l'Église, et depuis que toutes les nations ont été convoquées. Since the Lord has summoned all the nations, Nakuru. Depuis que le Seigneur a convoqué toutes les nations à Nakuru. So this is going to be a meditation that have global impact. Donc, ça va être une visitation qui a un impact sur le plan mondial. So he is coming to visit the body of Christ globally. Donc, il vient visiter le corps de Christ mondialement. Globally, because many nations will be represented. Parce que de nombreuses nations seront représentées. This could be the big swinging door, swinging open of the doors of revival. Ceci pourrait être la grande porte battante, l'ouverture pivotante des portes du réveil. That will go into many nations, even as will be represented in that meeting. Qui iront dans beaucoup de nations. Même nous serons représentés dans ce rassemblement. This particular crippled boy. Je vois ce garçon infirme en particulier. I see the shorts. It's a khaki. It looks more like khaki. I don't know whether it's khaki or not, but it's grayish khaki. If it's a khaki, it's a short. Je vois les shorts. Ils sont khaki. Je ne sais pas si c'est, mais c'est grayish khaki, les shorts. And he stands up in front of the camera before he walks. Et il se tient devant les caméras avant qu'il marche. First of all, he stands up and he has not even made one step. D'abord, il s'est levé et il n'a même pas fait un pas. So those that have not walked for the first time will be able to walk. Donc, ceux qui n'ont pas marché pour la première fois seront en mesure de marcher. And celebrate in joy and weeping. Et de célébrer dans la joie et les pleurs. The tears of joy, they will not describe, they will not understand what they are going through. Des pleurs de joie, ils ne décriront pas, ils ne comprendront pas à travers quoi ils passent. Because Jehovah El Olam, Jehovah Elohim. Parce que Jehovah El Olam, Jehovah Elohim. Jehovah Hoseinu, Jehovah Shalom. Jehovah Hoseinu, Jehovah Shalom. Jehovah Sabaoth, the Lord of Hosts. Jehovah Sabaoth, le Seigneur des armées. Jehovah Sidkenu. Jehovah Sidkenu. Jehovah Rohi. Jehovah Rohi. Jehovah El Gibor. Jehovah El Gibor. Jehovah Elohenu. Jehovah Elohenu. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Jehovah Eloheka. Jehovah Eloheka. Meka Dishken. Meka Dishken. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. He is coming to visit the church of Christ in a manner never ever seen before. Il vient visiter l'église du Christ d'une manière jamais vue auparavant. Right now, the earth is sitting on the verge of a major visitation from heaven. Juste maintenant, la terre est assise au bord d'une majeure visitation des cieux. And this is going to be the blessedness of this generation, the blessedness of our time. Et ceci va être la bénédiction de cette génération, la bénédiction de notre temps. That anybody could live to see this. Que chacun puisse vivre pour voir cela. Again, I know that right now many flights are landing from Kenyatta International Airport. Encore, je sais qu'en ce moment beaucoup de vols atterrissent à l'aéroport international Jomo Kenyatta. With many troops and groups of pastors. Avec beaucoup de troupes et groupes de pasteurs. Coming to witness for themselves this visitation. Viennent pour être témoins eux-mêmes de cette visitation. And I see a massive visitation that will take place in Nakuru. Et je vois une visite massive qui aura lieu à Nakuru. I see my face is wet as I'm standing on the altar. Je vois que mon visage est mouillé alors que je me tiens à l'autel. I see these cripples, blind, deaf, mute. Je vois ces infirmes, aveugles, sourds, muets. Lame, paralytic, spinal cord injuries. Boiteux, paralytiques. Des lésions de la moelle épinière. Broken backs, broken legs, wounds. Des dos brisés, des coups brisés, des blessures. Blood condition, miracles of creation. Des maladies de sang, des miracles de création. Many things are going to be done as he wipes out all these kinds of sicknesses, maladies, diseases, infirmities. Beaucoup de choses vont être faites comme il dissipe tous ces types de maladies et d'infirmités. That have plagued these people over time. Qui ont tourmenté son peuple trop longtemps. It looks like the way the Lord has set up this visitation. Il semble que la manière dont le Seigneur a mis en place cette visitation, it looks to me more like he's preparing the church for entry. Ça me semble plutôt comme s'il préparait l'église pour l'entrée. In fact, at one point in this visitation, I trembled. En fait, à un moment donné, dans cette visitation, je tremblais. I trembled because I did not know what this beholds in terms of the coming of the Messiah. J'ai tremblé parce que je ne sais pas ce que ça détient en termes de venue du Messie. However, the Lord is saying that the earth, the entire earth. Cependant, le Seigneur dit que la terre entière, is now sitting on the verge of a major, major visitation. Est maintenant assise au bord de majeures, majeures visitations. And this now centralizes, crystallizes. Et ceci maintenant centralise, cristallise. This now crystallizes this rhetoric, this trumpeting. Ceci maintenant centralise cette rhétorique, ce son de trompette. This clamoring for righteousness, righteousness, holiness. Cette clameur pour la justice, la justice, la sainteté. Holiness that has been going on for more than 12 years world over. La sainteté qui a été en cours depuis plus de 12 ans dans le monde entier. Where he has been sending his servant. Où il a envoyé son serviteur. Globally, to always preach righteousness, to shout holiness. Sur le plan mondial, pour toujours prêcher la justice, pour crier la sainteté. To shout righteousness, shout holiness, all throughout. Crier justice, crier sainteté, tout au long. It says this now crystallizes that message of the need for the church to stop the gospel of prosperity. Il dit, ceci maintenant cristallise ce message pour l'Église du besoin d'arrêter l'évangile de la prospérité and return now to righteousness, return to holiness, et de revenir maintenant à la justice, revenir à la sainteté, let's return to the latter glory of the Lord, because the more they seek the things of this world, revenir à la dernière gloire du Seigneur, parce que plus ils recherchent les choses de ce monde, the money, the land, name it, you know, l'argent, les terres, nommez-les, vous savez, the gospel of wealth, you know, l'évangile de la richesse, vous savez, the more they do that, the more they lose out of the glory. Plus ils font cela, plus ils sont perdants sur la gloire. However, there is an awakening now. Cependant, il y a une prise de conscience maintenant. And the wisdom of open heaven, et la sagesse des cieux ouverts, has released wisdom now, a relâché la sagesse maintenant, and now many, many, many nations and churches, et maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de nations et d'églises, are now returning to the true gospel of the blood and the cross, retournent maintenant au véritable évangile du sang et de la croix. The gospel of salvation of holiness and righteousness. L'évangile du salut, de la sainteté et de la justice. The gospel of repentance and rejecting sin. L'évangile de la repentance et du rejet du péché. He's saying that these are the true gain of repentance. Il dit que ce sont les véritables gains de la repentance. The true gain of the gospel of holiness and righteousness. Les véritables gains de l'évangile de la sainteté et de la justice. So again, the Lord is saying, donc, encore, le Seigneur dit that right now the earth is sitting on the verge of a major historic visitation. Qu'en ce moment, la terre est assise au bord d'une visitation majeure et historique. I have seen so many. I've seen a shocking number of healings in that meeting. J'en ai vu tant. J'ai vu un nombre choquant de guérisons dans ce rassemblement. And the gathering is going to be the biggest. That is the place for everybody to be. Whoever can make it there, that is the place nobody wants to miss to be. Because you don't know what the Lord will do there. You don't know what it will portend, what it will imply, what it will mean to those who are there in that visitation. This is the biggest visitation of our time. The Lord has now chosen and decided to prepare this place of Nakuru to be his very important place for a historic visitation, a visitation that changes events on this earth. I have seen tremendous, tremendous visitation, and there will be a huge joy that will elate the church in that place. I see it will be a big celebration that breaks out, non-stop celebration. It will be difficult to stop that meeting. It will be difficult to say, time is over, let us go now, the meeting is over. Because I see a huge, huge celebration of the revival that breaks out from there to the ends of the earth. However, the earth is now sitting on the verge of that historic visitation. May those who have ears begin to prepare to pack their bag and head to that site of the visitation of the Lord. The Lord has already commanded and summoned people to that place. People are coming from Oslo in Norway. They're coming from Sweden, from Finland, from the UK. Even some pastors are just sending letters at this hour, getting new tickets. It's flooding. More than 500 pastors right now who have already confirmed they're coming, their flight tickets. So it's going to be one of the biggest gatherings also in the history of this earth. May the Lord bless Kenya. I bless you, Kenya. I bless you very, very much. I bless this land, the land that has hosted this revival. I really bless this land. I really bless you, because on this land, the Lord has blessed his seat. That now out of this land, many churches and many nations may come and fetch the fire, tap the visitation of the glory of the Lord. May the Lord bless you. Shalom, shalom. Amen.